بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم تفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Dans le cours précédent, بفضل الله عز وجل, par la faveur d'Allah عز وجل, on a pu terminer ce chapitre relatif aux faveurs de ces kalimat-là, العظيمة, تسبيح, تحميد, التكبير, والتهليل. Et كذلك, on a pu voir à travers ce bab certains des hadiths qu'il a évoqués, al-musannif رحمه الله تعالى, relatif à la faveur de cette kalimat-là. وها هنا اليوم إن شاء الله ندخل في باب لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا تبويب كما on peut le voir, ce chapitre là il a été tiré de الجامع الصحيح de الشيخ مقبل عليه رحمة الله. باب لا حول ولا قوة إلا بالله, c'est-à-dire que العبد, le serviteur, n'a aucune possibilité d'effectuer un mouvement, ne serait-ce que de lever le petit doigt, de cligner les yeux, de respirer, de passer d'une action à une autre, sans la puissance et la volonté d'Allah عز وجل. C'est ce que veut dire لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الإمام ابن رجب وكذلك العثيمين عليه رحمة الله dans l'explication de cette kalimat-là عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم قال: فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. Que l'abd il ne peut passer d'une action à une autre qu'excepté si Allah عز وجل le veut. كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فست كلمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله qui est concise lakin qui comporte des grandes valeurs. Parmi cela l'humilité, que l'insan se doit d'être humble vis-à-vis d'Allah عز وجل. Sans Allah il n'est rien, ne serait-ce que le plus petit des mouvements il ne peut le faire que si Allah le veut. Donc ça, ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous montre au combien Ben Adam il est faible. Ça nous montre au combien nous avons crucialement besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, jalla wa ala, on n'est rien. Cette kalimat-là nous invite, ayyuha l'ikhwa, à la modestie. Elle nous invite à se rabaisser devant la puissance d'Allah. À être humble et à connaître nos places. Man ta'ammala fi hadhihi al-kalima, celui qui médite et qui porte réflexion sur le sens de cette kalima-là, de la grandeur, de l'ampleur de cette kalima-là, il verra ô combien il est honteux de désobéir à Allah Azza wa Jal. Ô combien il est honteux de désobéir à celui qui permet à nos articulations d'être mobiles. Puis ensuite on se permet d'assujettir ses membres qui ne peuvent bouger et être mobiles que par la puissance d'Allah et Azza wa Jal, et on les assujettit dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا أَظْلَمَكَ يَا بَنْ آدَمْ. Ou combien Ben Adam il est injuste. Wallahi, la désobéissance c'est une injustice. C'est tout sauf la reconnaissance. C'est tout sauf l'humilité. C'est tout sauf la modestie. فَنَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْفُوَ عَنَّا. Parce qu'on fait des péchés. كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَظُنْ أَنَّكَ صَالِحًا. Ne pense pas que tu es pieux. وَلَكِنْ أَنْتَ مَسْتُورٌ. Allah عز وجل ne t'a pas dévoilé. On a tous des péchés. Enfin, cette kalima-là, لَا حَوَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Enfin, si jamais, lorsqu'on la prononce et on médite dessus, on va voir à quel point vraiment c'est vraiment honteux et grave et abominable de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu peux, ne serait-ce que comme on a dit, le petit doigt, lever le petit doigt, tu peux faire que Allah, si Allah le veut. Et ensuite on désobéit à Allah, on utilise nos membres dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, cette kalimat-là nous impose et nous invite fortement à se rabaisser, être humble et à faire preuve de modestie et de reconnaissance. Parce que faqid al-ni'ma huwa ya'rifuha, celui qui perd un bienfait parmi les bienfaits, et parmi ces bienfaits-là, le fait d'être mobile, le fait de pouvoir se déplacer, le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir entendre, toutes ces choses-là, elles ne sont que par le biais d'Allah ya Azza wa Jal. Enfin, ça demande à ce que, fil haqiqa, on doit azzam Allah ya Azza wa Jal. On se doit de le glorifier, lui donner du meilleur possible la valeur qu'il doit avoir dans nos cœurs. Jalla wa ala. Parce que fil haqiqa, yani, lorsqu'on porte réflexion sur cette kalimat-là, on voit au combien il est grave de pouvoir faire des péchés. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu ne peux le faire que dans l'agrément d'Allah, par la volonté d'Allah, et tu le fais dans la désobéissance d'Allah. Babu fadlu la hawla wa la quwwata illa billah. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah? Qultu bala. Qala qul la hawla wa la quwwata illa billah. Et le hadith il est rapporté par Bukhari wa Muslim. Dans ce hadith, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu des trésors de al-Jannah. Wa min dhalika kalimat at-tawhid, kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. Les ulama comme l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ont évoqué que la hawl c'est bi ma'na al-haraka. Fa la hawla bi ma'na la harakata wa la istitaha wa la shay' illa bi mashiyatillah 'azza wa jalla. On ne peut faire de mouvement et on n'a pas la possibilité de faire une chose que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut et le souhaite. قال وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. Certains ils ont évoqué que le sens de cette kalima là, la hawla, c'est-à-dire nous n'avons pas la possibilité de repousser un mal et on ne peut obtenir un bien que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. قال وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته. Et certains ont dit, nous n'avons pas la possibilité de nous détourner d'un péché que si Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Wa la quwwata 'ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Et nous n'avons pas la possibilité d'adorer Allah 'azza wa jalla et de lui obéir que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Qala wa hukiya hadha 'an ibn Mas'ud radiyallahu 'anhu marfu'an. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, l'imam an-Nawawi, que l'explication qui vient de donner concernant le sens de la hawla wa la quwwata illa billah, elle a été rapportée par Ibn Mas'ud, et que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui-même a évoqué que la hawla wa la quwwata illa billah, ça voulait dire la hawl an ma'siyatillah illa bi'ismati wa la quwwata ala ta'atihi illa bima'unati. Lakin cette explication elle est attribuée au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lakin elle n'est pas authentifié. Le hadith, il est rapporté par Al-Bazzar rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud annahu qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et j'étais auprès du prophète alayhi wa sallam, fa qultu la hawla wa la quwwata illa billah, et puis je me suis mis à dire la hawla wa la quwwata illa billah, fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tadri ma tafsiraha, connais-tu l'explication de ce que tu viens de prononcer? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager le savent mieux que moi. قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بعون الله. C'est-à-dire la hawla, c'est-à-dire on n'a pas la possibilité de se détourner d'un péché excepté si Allah عز وجل nous en préserve. ولا قوة إلا بالله, et nous n'avons pas la possibilité de lui obéir que si Allah عز وجل nous aide. Cette chaîne de transmission elle n'est pas authentique. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala l'a jugé ce hadith comme étant da'ifun jiddan, extrêmement faible. Donc l'explication de cette kalimate là attribuée au prophète alayhi salatu wasalam n'est pas authentique. Lakin, même si jamais la chaîne de transmission de cette explication là n'est pas authentique, quant à l'explication elle est authentique. C'est une bonne explication de cette kalimate là ou plutôt c'est une des explications de cette kalimate là. La hawla wa la quwwata illa billah, parmi ces explications, on ne peut se détourner d'un péché et obéir à Allah azza wa jalla que si Allah le veut. La kiyina a un sens qui est beaucoup plus large, qui englobe toutes choses. Pas seulement les ma'asi, la kiyina, toutes choses. On ne peut faire un mouvement que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. C'est pour ça que la parole précédente de l'imam Ibn Rajab et kazalika de l'imam Al-Uthaymin, elle était, wallahu a'lam, plus juste. Dans le sens où elle englobe tous les mouvements. كما قالوا لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. Le serviteur n'a pas la possibilité d'effectuer un mouvement ou de passer d'une action à une autre que par la puissance d'Allah عز وجل et par la volonté d'Allah سبحانه وتعالى. فهذا هو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. Ça nous montre qu'on est vraiment, mais vraiment extrêmement faible. On dépend d'Allah عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Ça a comme sens de al-isti'ana, de prendre l'aide auprès d'Allah et Azza wa Jal. La hawla wa la quwwata illa bi, le ba hahona qui rend dans billah, c'est bi ma'na l'isti'ana. On a pu voir à travers les premiers cours que l'isti'ana c'est une chose qui est la budda min. Hatta il a dit Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala que c'était la plus grande des doha. La plus grande des demandes que tu avises à Allah et Azza wa Jal, c'est de demander l'aide. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a évoqué, comme on a pu le voir, juste après Iyyaka na'budu. Parce que tu ne peux t'acquitter de Iyyaka na'budu, excepté si Allah Azza wa Jalla t'aide à faire Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, il n'y a pas de Iyyaka na'budu sans Iyyaka nasta'in. C'est impossible. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لِبِاللَّهِ سَبِّي مَعْنَا الْإِسْتِحَانَ. Demandez l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il nous évoque dans l'explication de ce hadith, il est dans l'explication de Al-Bukhari, la page, plutôt le volume 8, la page 357 à 358. Enfin, il a un charh, la kins, qui est audio, ensuite qui a été transféré à l'écrit. Les audios de Sheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, ta'ala, sont tels que des écrits. Hatta, quand le Sheikh Bakr Abu Zayd, c'est une nouvelle manière d'écrire. Il a innover une nouvelle manière d'écrire, qui est le fait de bien préparer ses cours à l'oral, et après on n'a plus qu'à le retranscrire. C'est une explication, ensuite il est retranscrit en livre, et vous retrouvez la parole de Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah dans la référence citée. Faqala rahimahullah ta'ala, la hawla wa la quwwata illa billah, l'isti'ana, comme on a pu le voir. La hawla, et je n'ai pas la possibilité de passer d'une action à une autre, et je n'ai pas la force pour cela, que par l'aide d'Allah. فَالْبَهَوْنَ بِمَعْنِ اسْتِحَانَ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِلْاِسْتِحَانَ قَالَ وَلِهَذَا نَقُولْ إِنَّ هَذِي الْكَلِمَةِ كَلِمَةُ اسْتِحَانَةٍ. Et c'est pour ça que nous appuyons sur le fait que cette kalima-là, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, cela signifie de demander l'aide auprès d'Allah عز وجل. قَالَ وَلَيْسَتْ كَلِمَةَ اسْتِرْجَاعٍ. Et c'est pas une kalima qu'on prononce lorsqu'on est touché par une calamité, par une musiba. قال فإذا حولت شيئا صعبا فقل لا حول ولا قوة إلا بالله يسهل عليك. Et si jamais tu es face à une difficulté, prononce cette kalimat là avec la langue et comme on a pu voir avec le cœur. Le dhikr, il est par les deux, la langue et le cœur. La langue qui prononce et le cœur qui a porté réflexion et méditation sur l'ampleur de cette kalimat là et les vertus qu'il y a dans cette kalimat là et lorsqu'il le prononce, il le prononce avec la véritable valeur. Il sait qu'il a besoin d'Allah. On le sait, lakin on peut pas le faire sur toute chose, c'est impossible. Parce que tout mouvement, c'est impossible, les petits doigts, il y a des mouvements qu'on se rend même pas compte de faire. Enfin, ça demande une reconnaissance, il y en a énorme. Une reconnaissance et un shukr qui est énorme. Il nous dit, lorsque tu es face à une difficulté, tu dis, la hawla wa la quwwata billah, et Allah Azza wa Jal va te faciliter. ثم قال وكثير من الناس الآن إذا أصيبوا بمصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit, الآن, à notre époque, les gens sont touchés par une musiba, par un malheur, par une calamité, et bien directement il dit cette kalimat-là, la hawla wa la quwwata illa billah. Or il dit, lakin hadha khilaf al-awla. Cependant, c'est une parole qui a été placée à son mauvais endroit. Qala wa al-awla idha usibta bi musiba an taqul inna lillah wa inna ilayhi raji'un. La kalima la plus opportune à dire en ce moment-là, lorsque tu es touché par une chose, de dire, إنا لله nous appartenons à Allah عز وجل وإنا إليه راجعون. Et c'est vers lui le retour. كما قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Fait la kalima la plus forte qui sera un soulagement pour toi et qui va t'aider à surmonter maintenant cette épreuve là, c'est de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un, parce qu'Allah azza wa jalla nous l'a demandé. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu, ils disent cela. Donc ça nous montre que c'est la parole qui est la plus à même d'être dit lorsqu'on est face à une difficulté, face à une calamité et un malheur. Enfin, il dit, les gens, ils délaissent « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » et à la place de cela, il dit « La hawla wa la quwwata illa billah »« Qala fa inna hadhihi maqalat as-sabirin » Ça, c'est la parole des patients lorsqu'ils sont touchés par une musiba, de dire « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » et non de dire « La hawla wa la quwwata illa billah » ثم يدي قال ولكن يمكن أن يوجه كلام الناس يعني قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله على أن الإنسان يستعين بالله على تحمل هذه المصيبة وهذا توجيه لا بأس به. Il dit lakin on peut trouver une excuse ou bien une explication qui sera bonne, parce que au fait il nous dit rahimahullah, lorsque tu dis la حول ولا قوة إلا بالله, on peut l'interpréter comme étant la personne qui demande l'aide à Allah Azza wa Jal, afin qu'il l'aide à patienter. Parce que patienter, kadarika, c'est quoi? C'est un acte. Et cet acte-là, il passe par la hawla wa la quwwata illa billah. Et il demande al-istihana. Lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, fil haqiqa, on peut l'interpréter comme une bonne interprétation. Parce que fil haqiqa, tu demandes l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir patienter face à cette musiba-là. Fait dit la basbihi. Lakin, hada khilaf al-awla. قال ولكن الأولى المحافظة على من جاء في القرآن وهو أن يقول إن لله وإن إليه راجعون. Il dit même si jamais on peut lui trouver une bonne interprétation, le mieux c'est de prononcer ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de prononcer lorsqu'on est touché par une épreuve. إن لله وإن إليه راجعون. Ça c'est أولى, c'est préférable. C'est plus à même d'être un soulagement, une aide, parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous a invité à dire cela. قال ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة. T'ai indiqué un trésor parmi les trésors du paradis. فقال العلماء كالنووي رحمه الله تعالى, ce qui est voulu par le trésor, et c'est la récompense qui dure, ou plutôt la récompense qu'il retrouvera يوم القيامة. Si jamais Allah عز وجل lui fait part de sa miséricorde, de son agrément, et qu'il meurt sur le tawhid, il meurt sur la en s'étant acquitté de la salah, il meurt sur l'islam, et qu'il savait que il ne faut pas prendre l'aide auprès d'autres qu'Allah, si jamais tu sais que tu n'as pas la capacité de faire une chose, et que autrui kadhalika, il est comme toi, il ne peut faire une chose que dans l'aide que par l'aide d'Allah Azza wa Jal, fa fil haqiqa yata'allaq billah, il est lié à Allah Azza wa Jal. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ibn Abbas, wa ista'anta fasta'in billah, lorsque tu demandes l'aide auprès d'Allah, demande-la. Lorsque tu demandes l'aide, demande-la auprès d'Allah, parce que tu sais qu'en dehors d'Allah, personne ne peut t'aider. Et que Allah subhanahu wa ta'ala qui a les pleins pouvoirs de Allah. Enfin, ces personnes-là qui mettaient en application cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah, la yasta'in bi ghayrillahi azza wa jal, et ils prononçaient énormément cette kalimat-là lorsqu'ils se trouvent face à une difficulté, afin de puiser la force à travers ces kalimat-là, qu'Allah lui donne la force. Fa'il nous dit, il va avoir yawm al-qiyamah un trésor. On va lui donner des trésors yawm al-qiyamah. Ces trésors-là, il va les trouver yawm al-qiyamah inda Allah azza wa jal. Qala wa huwa thawabun nafis. Pourquoi Al-Nabi sallam il a qualifié la récompense comme trésor? Parce que le trésor, c'est une chose qui est précieuse. Kadhalika, cette récompense-là, ce sera une récompense qui sera très précieuse. Qala kama anna al-kanz anfasu amwalikum. C'est pour montrer que cette récompense-là sera très précieuse. Wa qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala kanzun min kunuz al-jannah, elle a été qualifiée comme étant un trésor. Qala li'annaha min afdal ad-du'a alladhi yasta'inu bihi al-insan 'ala al-wusul lil-jannah. Il nous dit rahimahullah que cette du'a-là, la hawla wa la quwwata illa billah, il évoque que c'est une du'a. Fil haqiqa, lorsque tu dis cela, c'est comme si jamais tu dis astarin, comme on a pu le voir. Parce que la personne peut se dire, mais j'ai pas fait de dua là, quand j'ai dit la hawla wa la quwwata illa billah, si. Lakin, tu ignores que le ba ici, qui rentre dans billah, ça a la notion de al-isti'ana, demander l'aide auprès d'Allah. Comme lorsque tu dis bismillah, C'est comme si tu dis, je demande l'aide auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour faire ceci et cela. Fait kazalika, lorsque tu dis, la hawla wa la quwwata illa billah, tu demandes l'aide auprès d'Allah. Par l'intermédiaire, en prenant l'intermédiaire, de faire apparaître ton incapacité et ta faiblesse, que tu ne peux faire cela, que si jamais Allah t'aide. C'est comme si tu dis, ya Allah, je n'ai pas la capacité, je suis faible, et tu es le puissant. Aide-moi à faire ceci et cela. C'est ça, la hawla wa la quwwata illa billah. En vérité, c'est pas seulement juste dire une parole, c'est ça a de grande valeur, subhanallah. Fait nous dit, c'est la plus grande des doigts qui est prise pour demander l'aide auprès d'Allah et Azza wa Jal dans les choses qui vont être un intermédiaire pour aller au paradis. قال لأن الإنسان إذا استعان بالله بهذه الكلمة سهل الله عليه الأعمال وتيسرت حتى يصل بذلك إلى الجنة. Car la personne, lorsque il prend l'aide auprès d'Allah et Azza wa Jal par l'intermédiaire de l'énonciation de cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah, Allah Azza wa Jalla lui facilite toute chose. Parce que, il est en train de dire, je peux rien faire, ya Allah. Si jamais, excepté si jamais tu m'aides, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui répondre. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surtout si jamais il fait preuve d'humilité. Cette parole-là, cette kalimat-là, c'est une parole d'humilité. Tu ne peux que être humble et montrer, yani, ta faiblesse auprès d'Allah. Par cette parole-là. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah, tu penses que les choses sont venues par ton intelligence, par ta capacité, par ceci et cela. Comme l'a dit Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Pensez que la fortune qu'il a ramassée, qu'il a réunie, c'est par la cause de son intelligence, de sa science. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Et c'est pas Allah qui a. Allah n'est pas la cause de cela. La personne qui pense que c'est son intelligence qui fait les choses, voilà, il peut dire mille fois la hawla wa la quwwata illa billah, ça va pas lui servir. Il faut que tu laisses apparaître et tu sais au fond de toi que tu peux rien faire. Ça, c'est celui qui dit cela, na'am Allah, il va lui faciliter toute chose. Amma aksa dhalika fala. Waja'an ibn Mas'ud wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma mawqufan. C'est-à-dire que c'est sa parole. Lorsqu'on dit mawqufan, c'est-à-dire c'est une terminologie qui est utilisée dans le mustara hadith pour dire que cette parole-là est attribuée à Abdullah ibn Amr ou à un sahabi. Et lorsqu'on dit marfu'an, la parole est attribuée au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, on a qu'on va citer, il a été attribué au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lakin, al-sahih, c'est que c'est une parole qui est attribuée à Abdullah ibn Amr, qui nous montre les bienfaits de ce kalima-là. Parmi les mérites de ces kalimat-là. قال عبد الله بن عمر قال ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. Il n'y a pas une personne sur terre qui dit لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله Walhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sans que ces kalimat-là soient une expiation de ses péchés. Même si ces péchés sont de la même ampleur que la mer. Et le hadith, le athar plutôt, il est ramené par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il est authentifié par le Sheikh Arnaout. Je sais pas s'il est mort, rahimahullah ta'ala, je sais pas s'il est mort. Naam. Fahad, c'est la récompense de kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. La kalima de celui qui demande l'aide auprès d'Allah. C'est l'une des meilleures paroles, même il a dit « Cheikh, c'est la meilleure des paroles par laquelle on prend l'aide auprès d'Allah et Azza wa Jal. » Tu demandes l'aide et tu montres ta faiblesse. Enfin, il aura une grande récompense. Tandis que celui qui la délaisse, qui ne prononce pas, ou pire encore, pense que comme on a pu évoquer, c'est par sa force, son intelligence, ses capacités qu'adviennent les choses, cette kalima-là, ça sera pas un trésor pour lui. Lakin, un argument contre le yawm al-qiyama, une braise parmi des braises du feu ardent de l'enfer. Man ista'ana bi ghayrillah asharak. Fi al-ashyalati hiya min khasa'isillah, parmi les choses qui sont propres à Allah Azza wa Jalla. Qala al-imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, man taraka al-ista'ana billah wa ista'ana bi ghayri, celui qui délaisse le fait de prendre l'aide auprès d'Allah et prendre l'aide auprès de autre qu'Allah, fil haqiqa hada safiha nafsa. C'est comme si jamais il pensait qu'Allah n'était pas capable au point de se détourner d'Allah et de chercher l'aide auprès des autres. Et ça, ça peut arriver, c'est-à-dire dans l'insouciance, dans l'inadvertance, le fait de ne pas se rappeler ce « la hawla wa la quwwata illa billah » fait un oubli. On oublie que ces gens, ce sont que des asbabs, ce sont que des causes. On oublie que ce sont que des causes. Et on pense que ces choses-là, c'est par ces choses-là que viennent les, qu'adviennent les choses. On oublie. Donc ça, c'est un rappel sur nous-mêmes. De ne pas oublier que ces choses-là sont que les asbabs et c'est Allah qui fait. C'est Allah, Azza wa Jal, qui fait les choses. قال وكله الله الى من استعان به وصار مخذولا الله عز وجل va le laisser avec la personne auprès de qui il prend l'aide et il va l'abandonner et celui que dont Allah عز وجل abandonne c'est la perdition comme a déjà fait le hadith ولا تكل النفس لانه الهلك قال وكتب الحسن الى عمر ابن عبد العزيز لا تستعن بغير الله ne prends pas l'aide auprès d'autre qu'Allah sinon tu seras abandonné. Et celui dont Shaytan est son ami intime, quel mauvais ami. Tout ça est rapporté par Ibn Rajab dans Jami' Ulum al-Hikam, le premier volume, la page 482. Il nous évoque que certains des salafs avaient pour habitude de dire « Ya Rab, ô Seigneur, ajibtu, je m'étonne, je suis étonné de voir le comportement de ceux qui te connaissent et malgré cela, ils espèrent autre que toi. Ils connaissent que toutes les choses, la richesse est entre les mains d'Allah et Azza wa Jalla, et malgré cela, ils espèrent un autre qu'Allah. Et ils s'étonnent des personnes qui connaissent Allah, qui connaissent la puissance d'Allah, qui connaissent la générosité d'Allah, qui connaissent le châtiment d'Allah, comment ces personnes-là peuvent prendre l'aide auprès d'autres qu'Allah, alors que autre qu'Allah est faible et nécessiteux il Allah et Azza wa Jal. Fahada yani c'est aib al insan, c'est honteux. C'est honteux de savoir qu'il sait qu'il est incapable et que l'humain de manière générale est incapable et ensuite il se met à l'espérer, il se met à prendre l'aide auprès de lui, il obéit que c'est Allah Azza wa Jal qui fait les choses. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et cette kalimat-là, elle est appelée de manière abrégée Al-Hawqala ou bien Al-Hawlaqa. C'est comme Alhamdulillah, elle a une abréviation. On dit Alhamdulillah, كَذَلِكَ بِسْمِ اللَّهِ. En formule abrégée, c'est quoi? Al-Basmala. Kazalika la hawla wa la quwwata illa billah. Elle a deux abréviations. Soit tu dis Al-Hawqala, ou soit tu dis Al-Hawlaqa. T'inverses le lam et le qaf à la fin. Comme l'a rapporté l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Fait ça, c'est ce qui concerne de manière et concis la hawla wa la quwwata illa billah. Wa illa, comme on a pu l'évoquer, toute chose est basée sur l'istihana, donc on peut en parler énormément. قال رحمه الله تعالى قال باب قال فضل الاستغفار قال فضل الاستغفار قال وقال تعالى حكاية عن نوح ليلة ها هنا الذي قال نوح عليه السلام. Lorsque Allah عز وجل cite une personne dans le Coran, le mieux c'est de dire قال الله عز وجل حكاية عن نوح. Et Allah سبحانه وتعالى a cité Nuh dans son Coran, a cité la parole de Nuh. On dit pas qala Nuh. Wallahu a'lam, yani min bab al-adab, on dit qala Allah. Qala Allah 'azza wa jall. Fa qul istaghfiru rabbakum. C'est la parole d'Allah, c'est Allah qui a prononcé cela. Yani Allah 'azza wa jall, il est en train de nous citer la parole de Nuh, lakin c'est sa parole. Donc on dit qala Allah parce que c'est lui qui l'a prononcé. C'est lui qui nous l'a rapporté. قال الله حكاية عن نوح. Allah a dit en citant Nuh. هكذا. Donc هنا on dit قال الله حكاية عن نوح عليه السلام. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أولا هنا فضل الاستغفار. Qu'est-ce que l'استغفار? On veut plus voir que l'istighfar, c'est le fait de demander. Généralement, lorsque tu vois alif sin ta ista, ça a le sens de demander une chose. Istafhama, c'est demander la compréhension d'une chose. Tam ista'ana, demander l'aide, al-aoun. Tam ista'ada, ada c'est le refuge. Donc ista'ada, c'est demander le refuge. Ça c'est généralement. Tam ce wazn qui est istif'al, ça a le sens de la demande. Fa istaghfara ou l'istighfar, c'est demander al-maghfira, al-ghufran. Et comme on a pu voir, al-ghufran, c'est tiré et dérivé du verbe ghafara, qui a pour sens dans la langue arabe al-sitr. Une chose qui te voile, qui te protège. C'est pour ça qu'ils ont appelé les masques, les casques qu'ils mettaient en temps de guerre, ils appelaient ça mirfar. Pourquoi? Parce que ça les protégeait. Ça les couvrait. Ils couvraient leur tête avec cela. Falistirfar, c'est demander qu'une chose te couvre, que tu ne sois pas dévoilé. Ça, c'est l'oratène. Lakin shar'an, comme on a pu voir avec la parole de Cheikh al-Islam, rahimahullahu ta'ala, de manière concise, c'est talab qayatu shar dhunub. C'est le fait de demander la protection contre le mal de nos péchés. Et ensuite, ils ont évoqué qu'est-ce que le mal des péchés. Le mal des péchés, c'est que tu sois dévoilé de ces péchés-là. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala kullu Mu'afa illa al-muhajiran, illa al-mujahiran. Ma communauté est, يعني, dans al-salam, hein, fi al-afiyah, yani fi khair, excepté celui qui va dévoiler ses péchés. Enfin, le fait d'être, de ne pas être dévoilé, c'est un khair. Lakin, on ajoute cela, on dit, wa kadalika wa adam al-uquba. Qu'Allah Azzawajal ne te punit pas. Qui te châtie pas. Et ça, c'est l'istighfar. C'est demander qu'Allah Azzawajal ne te dévoile pas et qu'il ne te châtie pas. Ensuite, le châtiment, il a divisé en deux, rahimahullah. C'est une révision de ce qu'on a pu voir. Soit Allah Azzawajal lève la sentence et il ne te punit pas, ou soit Allah Azzawajal, il va alléger la sentence. Fatalab al-Maghfira, c'est demander à Sitr qu'Allah Azzawajal ne te dévoile pas et qu'Allah Azzawajal ne te châtie pas ou alors qu'il allège une sentence qui devait être lourde. Ça, c'est quoi l'istighfar? Lorsqu'on dit astaghfirullah, hada huwa. On avait pu citer la référence de cette kalimat-là de Cheikh al-Islam, alayhi rahmatullah. Tamim bab al-fa'ida. Alors, on évoque quelle est la différence entre l'istighfar ou at-tawba. Ma huwa l'istighfar wa ma huwa at-tawba. Si on comprend qu'est-ce que l'istighfar, il nous manque à comprendre qu'est-ce que la tawba. Et ceci va nous permettre de pouvoir faire la différence entre les deux, l'istighfar et la tawba. Faqala l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kama fi Madarij as-Salikin, la page 1, ou plutôt le volume 1, la page 332. Qala at-tawbatu ar-ruju' amma yakrahu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbu Allah zahiran wa batinan. At-tawba tawaba, lorsque tu cherches dans le dictionnaire arabe, ils vont te dire que ça a pour sens du retour. C'est pour ça qu'il a évoqué Harona, ar-ruju', il a dit c'est le fait de retourner. Amma yakrahu Allah zahiran wa batinan. Donc là c'est le fait de délaisser ce qu'Allah Azzawajal déteste, que ce soit apparent ou caché. Apparent comme le fait d'insulter, caché comme les mauvaises intentions. Qala ila ma yuhibbu zahiran wa batinan. De délaisser ces choses-là et d'accourir aux choses dont Allah Azza wa Jal il aime et il agrée. Hada huwa at-tawba. Ar-ruju' ila ma yakrahu Allah, amma yakrahu Allah jalla wa ala, ila ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Donc at-tawba, c'est quoi? C'est un ruju'. C'est un ruju'. Qala al-Sheikh al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, nizaba qala fa al-istighfar al-mufrad at-tawba. Lorsque l'istighfar il est évoqué tout seul, il nous dit ça pour le sens de tawba. Qala bal huwa at-tawba. L'istighfar, lorsqu'il est évoqué tout ça, c'est at-tawba. Qala al-istighfar al-mufrad huwa at-tawba ma'a tadammunihi talab al-maghfira min Allah 'azza wa jalla. Al-istighfar yatadamman at-tawba wa at-tawbatu tatadamman al-istighfar. Kullu minhumā yadkhul fi musamma al-akhar 'inda al-itlaq. Il dit rahmahullah ta'ala, l'istighfar et at-tawba, lorsqu'elles sont évoquées de manière générale tout seul, lorsque tu dis astaghfirullah, c'est comme si tu dis atoub ilallah. Et lorsque tu dis atoub ilallah, c'est comme si jamais tu disais astaghfirullah. C'est un peu comme l'islam ou l'iman. Lorsqu'ils sont séparés, on peut expliquer l'un par l'autre. Et lorsqu'ils sont réunis dans une même phrase, chacun va avoir un sens bien à part. Qala wa amma 'inda iqtiran. Qala wa amma 'inda al-iqtiran, qala fal-istighfar هو وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل. إن الله رحمه الله تعالى lorsque les deux seront réunis dans une même phrase, فالاستغفار aura pour sens de demander à Allah Azza wa Jalla la protection contre le mal des péchés qui sont passés. Et la tawbah aura pour sens de demander à Allah Azza wa Jalla de revenir sur ses erreurs, tout en demandant à Allah Azza wa Jalla qu'il le préserve des péchés dans lesquels il craint de tomber. Il demande à Allah Azza wa Jalla de se racheter de son erreur, tout en demandant à Allah Azza wa Jalla qu'il le protège contre les péchés qu'il craint de commettre dans al-mustaqbal, dans le futur. Enfin, lorsque tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh, tu demandes à Allah Azza wa Jalla la protection du mal de tes péchés passés, donc ça c'est janib al-istighfar, et tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il te réforme et qu'il te protège, qu'il te donne la réussite afin que tu ne tombes pas dans le mal des péchés dont tu crains de tomber dans al-mustaqbal. Donc yani at-tawba wa al-istighfar, lorsqu'ils sont réunis, l'istighfar ce sera pour le passé et at-tawba ça sera pour les péchés dont tu crains de tomber dedans dans le futur. كما قال رحمه الله في مدارج السالكين la page 334 le volume 1. فالتوبة si on comprend bien التوبة تتضمن ثلاثة أشياء. أمرا ماضيا parce que c'est un رجوع. حاضرا ومستقبلا. التوبة elle comporte trois choses. Elle comporte يعني le regret d'avoir fait ces choses là dans le passé. Elle comporte le fait de interrompre sur le champ ce péché yani qu'il a commis, et elle comporte à ce qu'il ait une volonté de ne plus revenir sur le péché qu'il a commis. C'est pour ça que j'ai dit que at-tawba tatadamman thalathat az-zaman, elle comporte les trois temps, le passé, le présent et le futur. Le passé est tu regrettes ce que tu as fait dans le passé, le présent est tu interromps directement sur le champ ce que tu as commis, et le mustaqbal c'est que tu aies la volonté de ne plus retomber dedans. وأما الاستغفار c'est propre au ماضي والحال. Lorsqu'on dit أستغفر الله, t'as parmi les différences, lorsqu'on dit أستغفر الله et tu demandes à Allah Azza wa Jal la protection contre le mal des péchés que tu as commis dans le passé et كذلك dans le présent. أما التوبة c'est une زيادة, c'est-à-dire que tu as la volonté en plus de cela de ne plus recommencer. Là est la différence entre la توبة et l'استغفار, c'est par rapport au futur, par rapport à la عزيمة, de ne plus recommencer dans, cette chose-là. Fa at-ta'ib c'est celui qui a la volonté de ne plus revenir. Tandis qu'al-mustaghfir c'est celui qui demande qu'Allah Azza wa Jalla ne le châtie pas, qu'il ne le dévoile pas dans la vie d'ici-bas. Fa hadha huwa. La khulasa c'est que al-istighfar wa at-tawba c'est un peu comme des synonymes. Amma lorsqu'ils seront réunis dans une même phrase, fa at-tawba ce sera pour les demander la protection contre le mal des péchés dont tu crains de retomber dedans et tu as la volonté de plutôt retomber dedans parce que tu crains le mal de ces péchés-là. Amal istighfar, ce sera de demander le pardon, demander à Allah Azza wa Jal la protection contre le mal des péchés qu'il a commis l'année auparavant. Fadha huwa. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال سبحانه وتعالى et Nuh dit عليه السلام implorez le pardon de votre Seigneur car il est le grand pardonneur, afin qu'il envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Enfin, cette ayah là nous montre la faveur de l'istighfar. Celui qui يعني étudier un peu le nahwu, il va le ressentir à travers ce qu'on appelle jawab al-talab, la récompense de la demande. Parce que dans la ayah il est dit faqultu astaghfiru, ça c'est une demande, demander le pardon auprès d'Allah. Et jawab al-talab c'est yursil, comme on peut le voir yursil hawane le majzum. Donc ça nous montre que ça c'est la réponse et la récompense de l'istighfar. Que celui qui fait istighfar, Allah Azza wa Jalla, il va lui ouvrir les portes du rizq de sa subsistance, Jalla wa Ala. Fahada, c'est un grand mérite. Il a voulu à travers cette ayah-là nous montrer que demander le pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla, la protection contre le mal des péchés, parmi ses fruits, c'est qu'Allah Azzawajal ouvre les portes de la subsistance. Comme on a pu le voir, le péché, c'est un rempart. Le fait de s'entêter dans les péchés, c'est un rempart entre nous et nos doigts, entre nous et l'exaucement de nos doigts. Comme on a pu voir à travers le hadith, celui qui disait « Ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram » Al-Nabi Sallam a dit « Fa anna yustajabu li dhalik » Cette personne-là qui est dans le haram, 100% dans le haram, il demande à Allah Azzawajal le pardon, il demande à Allah Azzawajal sa faveur. Il a dit « Fa anna yustajabu li dhalik » Comment cette personne-là va être exaucée? On a pu voir que dans la aya qu'on subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibuni. Faut que lui aussi réponde. C'est trop facile de demander et ne pas répondre. Tu veux qu'on te réponde, lakin toi tu réponds pas lorsqu'Allah azza wa jalla t'appelle à faire la prière. Tu réponds pas lorsqu'Allah azza wa jalla t'appelle à accomplir le siyam. Tu réponds pas lorsqu'Allah azza wa jalla t'ordonne de donner la zakat. Là, tu réponds pas lorsqu'Allah te demande d'honorer un pauvre et ensuite tu veux que toi on te réponde. Pour que tu sois exaucé, il faut que tu répondes. Allah Azza wa Jalla, il a dit, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Que lui aussi réponde. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qui croit en moi. Naam. Enfin, ça c'est ce qu'on avait pu voir dans la muqaddima, dans la préface, que parmi les shurut de du'a, c'est Ar-Raghba qui implore Allah subhanahu wa ta'ala avec espérance. Et كذلك avec yaqin. Udu Allah wa antum muqinun bil ijaba. Implorez Allah tout en étant convaincu qu'Allah va vous exaucer. Ah, mais celui qui vient avec les péchés et qui est sans tête dans les péchés et qui demande la faveur d'Allah, fahada, yani, comment il peut être convaincu d'être exaucé? Enfin, celui qui demande l'istighfar, celui-là, il a fait les asbab pour être convaincu d'être exaucé. Comme on avait pu voir dans Muqaddima de ce livre-là. Qala wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, touba liman wajada. في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى والحديث الى rapporté par Ibn Majah رحمه الله تعالى et il est authentifié par Cheikh Mokbel عليه رحمه الله طوبى اختلف العلماء quel est le sens de طوبى certains ont dit c'est شجرة في الجنة c'est un arbre immense dans le Jannah certains ont dit c'est que cette personne là yani aura du bien certains ont évoqué que ce sera le Jannah. Ils ont évoqué beaucoup de choses. C'est, il va vivre une vie qui est agréable. Enfin, ils ont évoqué beaucoup de choses. Fatouba, fil haqiqa, ça vient du verbe tayyaba. Tayyaba, qui veut dire aîné le bien. Et c'est le superlatif, yani, féminin de atyab. Atyab, son féminin, c'est quoi? Touba. Comme yani afdal, le féminin, c'est quoi? Foudla. Tu dis foudla. Fahahona, يعني طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يعني cette personne-là va rencontrer que du bien que ce soit dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà et d'une grande ampleur parce qu'Allah عز وجل a utilisé un superlatif طوبى et عنده أطيب الشيء il aura أطيب الطيبات قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة et celui qui œuvre en bien qu'il soit un homme ou une femme et qui est croyant, Allah Azza wa Jal va lui faire vivre une vie agréable dans la vie d'ici-bas. Enfin, parmi les œuvres, saliha, l'istighfar. Et celui qui le fait énormément, qui multiplie le pardon. La personne qui multiplie le pardon, fil haqiqa, c'est une personne qui est préoccupée par l'au-delà. Qui est préoccupée par la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il multiplie l'istighfar. Par peur de rencontrer Allah Azza wa Jal, en portant sur son dos un fardeau, en portant sur son dos une injustice. Enfin, il est préoccupé par l'affaire de la vie de l'au-delà. C'est pour ça qu'il fait beaucoup d'istighfar. Ça montre que ces personnes-là, elles sont connectées avec l'au-delà. Fil akhira. Istighfara l'imam, yakhaf. Adil qu'Allah, qui rencontre Allah avec ce péché-là. Cette personne-là, même si jamais il est faible, il sait que il peut se relever. Et il ne renonce pas. Il fait beaucoup d'istighfar. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est une personne qui a peut-être un peu de mal, lakin, qui fait les choses pour se réformer, pour se rattraper. C'est sa montre du khair. C'est pour ça qu'il aura un khair. Touba. Il sait que il a un médicament pour pouvoir, inshallah, remédier aux maladies de son cœur qui fait que il tombe souvent et il commet des erreurs. Il sait comment renforcer ses faiblesses. C'est une personne qui ne désespère pas. C'est une personne qui essaie de se réformer d'aïman. C'est une personne qui essaie de se guérir d'aïman. Certains ont évoqué des kulli da'in dawa. Pour chaque maladie, il y a un remède. Fahada natawa sabi. On s'enjoint les uns les autres de multiplier l'istighfar. كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit: Ô vous les gens, demandez le pardon à Allah عز وجل et repentez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, car moi je le fais dans la journée plus de 70 fois. Qui a dit ça? الذي قال سبحانه وتعالى لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Celui qui expie des péchés. Et il le fait 70 fois par jour. Donc, que dire de nous? Donc, nous, on doit le faire 700 000 fois. On est rempli de péchés. Comme certains ont dit, ne crois pas que tu es pieux. Mais sache que Allah Azza wa Jalla ne te dévoile pas. On a beaucoup de péchés. فَنَتَوَصَّى بِالِاسْتِغْفَارِ كَثِيرًا جِدًا لَا سِيَمَا فِي هَذَا الشَّهْرِ. Dans ce mois qui est le mois de Ghufran, le mois du pardon, le mois du retour, le mois de la réforme, de faire beaucoup d'istighfar. Nasallahu alayhi wa sallam, an yaghfirana wa lakum, wa yuwaffiqana wa iyyakum, wa inshallah tabarak wa ta'ala. Dans le prochain cours, on poursuivra ce kitab-là. Nasallahu alayhi wa sallam, an naj'alana min alladhina yastami'una al-qawl, fayattabi'una ahsana. Subhanakallah bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.